Il a pour nom Philippe Courroy. Il est le valet du Courroy. Il est au service de la cour, l'allié de Liane Bettencourt. Avec lui, riches et puissants, trouve toujours un arrangement. Un coup de fil au proc de Nanterre, c'est une affaire qu'on enterre. Sarkozy donne ses instructions pour qu'il n'y ait pas d'instruction. Philippe Courroy, de transmission, accepte et brouille les transmissions. Il triera les informations en faisant surtout attention de mettre en avant toutes celles qui empêchent que la chancellerie chancelle. Impliqué par le majordome, et alors quoi? Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas l'inspecteur d'Éric qui s'occupera de l'affaire d'Éric. Du proc, Sarko a fait un juge. Et donc l'affaire, il se la juge. Cuisine de justice et dépendance. Voilà l'image que donne la France. Élevé à l'ordre du mérite par le puissant prince de Neuilly, si la confiance périclite, il ne faut pas être surpris. Ce proc prononce des gardes à vue et protège les gens en vue. Il sait se mettre au garde à vous, mais comme il s'occuperait de vous. Cet étouffeur d'affaires sensibles, sans pitié vous prendrez pour cible. Et pire sera la suppression de la fonction de juge d'instruction. C'est désormais Maître Le Borgne qui s'exprime au nom d'Éric Woerth. Dans l'herbe court la souris verte que s'apprête à cueillir le Borgne.